Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, bonjour, bonsoir et bienvenue. Bonjour. On est toujours plus timide. Hein, Adrien, bah, on est bien toujours sûr, un peu plus bien timide. Sûr. Et c'est oui, j'aime beaucoup ce oui. C'est pas toi qui nous impressionne, Maxime. Ouais, j'ai bien compris. Ouais. Par contre, si je suis venu pour me faire humilier, je te dis tout de suite, je vais te dire je t'encule, voilà, pendant tout le podcast. J'espère. C'est bon. C'est commencé là. Oui. Bienvenue, Gérard. Oui. Bah, ça veut dire quoi, flood de cast? Flood. À la base, c'est parce qu'en anglais, c'est le flood, c'est genre le flux incessant. Et donc vu que c'est un espèce de mini bordel un peu organisé, Floodcast, on trouvait cast ça pas avec mal. Des, avec des, du cast. Voilà, et podcast. Ouais. Du coup, le podcast. Voilà, ouais. Donc, très vite. Déjà, Adrien, comment vas-tu? Il faut savoir qu'on enregistre après les trois salles Playel. Bien sûr, ça va très bien. On est très heureux. À part la chaleur, tout va bien. Regarde le stégo surdimensionné. Il a un melon, le casque est en train d'exploser le ressort sur le côté. Je vais te pouvoir rien dire. Oui, j'ai fait trois salles Playel. J'ai rien dit, moi. C'est moi qui vais divorcer, c'est moi la merde. Attention, moi j'ai un ami qui y était, Maxime Delaunay, que vous connaissez, qui a produit entre autres ton film Nous les Leroy. Il m'a dit que c'était génial. On a bien rigolé. Mais effectivement, vous avez peut-être déjà reconnu leur voix. Notre premier invité est comédien, auteur et humoriste. On l'a vu dans 14 jours pour aller mieux. La vie pour de vrai est quand même pas mal sur scène, notamment dans son dernier spectacle Retour aux sources. Si vous l'aimez bien, on vous conseille d'aller voir Y'a pas de réseau d'Edouard Plouvieux le 6 août au cinéma. Et si vous l'aimez pas, allez-y quand même, parce que vous le verrez manger de la merde et se faire éclater les couilles une bonne dizaine de fois pendant le film. J'adore. C'est Maxime Gasteuil. Merci. Merci beaucoup. Vous avez vu le film, les gars? Moi, je l'ai vu à l'Alpe d'Huez, souviens-toi. Il a pas vu non. rien? Non, pourquoi? Il a pas vu. C'est une sombre merde. C'est professionnel. C'est ton taf, mec. Non, justement, c'est pas son taf. C'est moi. C'est moi, je suis le gars qui voit les films et qui lance. Je le regarde, mais là, on m'a rien proposé. Tu lui as débriefé ou même pas? Je lui ai décrit chaque Est-ce scène. Est-ce que tu as aimé? Moi, j'ai beaucoup aimé. Est-ce qu'on peut parler de ta vie privée? Non, mais t'as des enfants. Ah oui, j'ai une petite fille. Une petite fille, elle a quel âge? 3 ans. Non, c'est trop tôt. Eh ben oui, non. Bon, c'est pas grave. T'as aimé, je suis content que t'aies aimé, je suis content. Parce que vous êtes dans cet esprit-là un peu. On a essayé de ramener des touches un peu de notre génération à nous. Je pense que tu l'as vu. Oui, bien sûr. Il y a pas mal de clins d'œil, il y a des trucs un peu carry. C'est ça, côté un peu Amblin. Puis on a quand même Gérard Jugnot. Ben justement, mais il spoil celui-là. On l'avait pas reconnu, bien sûr. J'allais faire ma petite intro. Notre deuxième invité, c'est particulier pour nous, car en plus d'être une des personnes qui a forgé notre humour, ce qui va peut-être le navrer durant l'heure et demie qu'on va passer ensemble, c'est le premier sociétaire des Grosses Têtes qui vient participer officiellement à son plagiat. Il est l'homme qui a inventé un des nombreux surnoms d'Adrien Méniel, il ne le sait même pas, c'est une légende vivante, on est ravis de le recevoir, c'est Gérard Jugnot. Bravo. Bonjour. Quel surnom? Toubib. Bah oui, c'est vrai. Et oui, c'est vrai. On t'appelle comme ça? Bah, quand j'étais au collège, on m'a appelé Toubib pendant un an parce que j'ai des potes qui avaient vu Une époque formidable la veille et qui m'ont appelé Toubib, je sais pas pourquoi. Ah, parce que. Tu ressembles pas tout à fait à Richard. Non. Il avait la même voix à l'époque. Tu aurais dit plus Tiki Olgado, Adrien Méniel. C'est vrai, Richard Boranger. Ils auraient pu t'appeler Crayon ou. C'est vrai. Ou Mimosa. C'est vrai, mais bah c'était Toubib. Et on m'a appelé comme ça pendant un an, je sais pas pourquoi. Je sais toujours pas, je saurais jamais. Tu n'es pas arabe? Non plus. Parce que c'est un moabe. C'est vrai. Moi j'avais eu avec Une époque formidable, j'ai une petite anecdote aussi qui liait à Une époque formidable. Quand j'étais petit, quand j'avais genre 5-6 ans, 6-7 ans peut-être, j'avais tout simplement humilié un SDF dans la rue, mais comme un enfant. Tu vois, il y avait un enfant, oui, non, pas. J'avais 6 ans, Adrien. Excusez-moi, ça vous fait rire ce sujet-là d'humilier un SDF? Non, justement, j'ai deux enfants. Les enfants sont de droite et n'ont aucun humour. C'est vrai. C'est ce que dit mon fils. La blague était pas dingue, parce que c'est juste le montrer du doigt en hurlant. Et donc, mon père, connaissant un tout petit peu le bonhomme, m'a évidemment disputé. Mais le soir, il m'avait dit: je vais te montrer un film pour que tu apprennes. Oh. Pour que tu comprennes que ça peut aller très vite, en fait. Et c'était Une époque formidable. Donc, je suis très. J'adore ce film d'ailleurs. Mais c'est un très très grand film que vous avez fait, Gérard. Donc voilà, je vous tenais à vous partager cette petite anecdote, car elle m'a marqué à vie cette histoire. Ouais, c'est de là ta peur d'être pauvre. Tu fais que j'y suis. Ça a été mon moteur. Donc le jeu du Floodcast, je vais vous poser des questions liées à une actualité un peu insolite et il faut effectivement deviner. Vous pouvez poser un maximum de questions pour savoir ce que c'est. Un nouveau site de rencontre vient d'ouvrir et il base ses matchs, donc les je sais pas comment le traduire, les matchs, les fusions, en relation, quand ça colle. Exactement. Sur quelque chose d'assez insolite, à votre avis, quoi? Il y a des histoires d'animaux là-dedans, non? Non, il n'y a pas d'histoire d'animaux. C'est quand t'as un chien. Non, ça doit exister, je pense, effectivement. La couleur des yeux? Pas la couleur des yeux. Est-ce que c'est génétique, genre le test ADN ou un truc comme ça? Non, c'est pas génétique. Ça concerne des goûts? plutôt des goûts d'une certaine manière. Les végétariens, ouais. Par exemple. Pas végétariens. Les véganes. Pas les véganes. Les goûts cinématographiques. Pas les goûts cinématographiques. Parce que je sais que ça existe pour les coprophiles. Les comment? Les coprophiles, ceux qui mangent du caca. Ah, les coprophiles. Non, ça ne sont pas les coprophiles. Il y a une petite communauté très sympa. Oui, oui. Des gens charmants d'ailleurs. Je pense que tu dois pas trop être difficile. Une fois que t'es, si tu veux vraiment des coprophiles, vu que ça doit être une petite communauté, tu peux pas trop faire le difficile, je pense. Franchement. Non, ben oui. Mettons-nous au couple. Ouais, vraiment. Coprophile, mais garde ses chaussettes, ouais. Ça j'aime pas. Non. T'as pas aimé Avatar? Non, ben non. Donc c'est une particularité de gustatif, gastronomique. Non, c'est pas gastronomique. Pas. C'est lié à la culture. Pas vraiment, non, c'est des habitudes qu'on peut avoir dans sa vie. Les gens qui mangent le de ménage. La food dégueulasse, la comment on appelle junk ça food. La junk food. Non, le non, ménage. Pas le ménage. Les horaires de sommeil, tout ça, si tu vis plutôt la nuit, plutôt le jour. Ah non, c'est pas les ça. Les gens qui ronflent. Pas les gens qui ronflent. C'est pas politique. Ce n'est pas politique, c'est lié, je vais vous donner un petit indice, c'est lié à Internet. À ton temps de connexion. Les geeks. Pas les geeks, mais ça existait à une époque. Est-ce que c'est ton algorithme TikTok ou un truc comme ça? Non, mais on s'approche. Ton temps d'écran. Pas ton temps d'écran. Likes. Pas les likes, mais on commence à être pas loin. Ceux qui ont encore quand même le Minitel. Non. Ils sont moins nombreux, hélas. Une certaine génération. Putain, là tu. Cela dit, c'était les premiers trucs de rencontre online, c'est Minitel, cela dit. Bah oui, et puis le Minitel Rose, c'est ça qui a fait la fortune de Xavier Niel. De Xavier Niel, bien sûr, évidemment. Et la mienne, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Donc c'est Internet. C'est Internet. C'est un goût qui partage sur Internet. Exactement. C'est rapport aux réseaux sociaux. Pas les réseaux sociaux. Ah, YouTube. Pas YouTube. Les achats sur Internet. Pas les achats, mais. Les échanges, le bon coin. Pas le bon coin. C'est lié à un site en particulier. Non. Ah, si tu vas sur des sites porno. Non, c'est pas lié aussi. Alors, ça peut aussi, ceci dit, mais. Ton historique internet. Très bonne réponse, Adrien. L'historique de navigation. On t'a quand même bien aidé. Ça commence à être mauvais perdant. On joue ensemble. Je m'en branle. T'es compris? On compte pas les points. On n'est pas tapis jaune là. Mais c'est pas des. Ah, je vois que ça a parlé. Pas besoin de parler. J'aimerais une explication un peu plus concrète. C'est-à-dire quoi? Ils comparent leur. Exactement, leur historique internet qui est. Attends, c'est vrai qu'il faut le partager avec. Ah, bah bien sûr. Ce qui est terrifiant déjà. Ça s'appelle Browser Dating. C'est un nouveau site de rencontre complètement décalé. Il te propose des matchs non pas seulement sur tes goûts, mais aussi ton historique de navigation. Imaginé par un artiste belge qui s'appelle Dries Deporter, connu pour ses projets entre surveillance et satire. Le site utilise une extension de navigateur pour analyser jusqu'à 5000 de tes recherches hors navigation privée. Donc si tu fais la liaison, tu n'as pas accès. L'objectif, te connecter à des personnes qui consultent les mêmes pages que toi aux mêmes heures. Donc effectivement, les trucs d'horaire, t'étais pas loin, Maxime, aussi. Il y avait un peu ce truc-là. Merci. Les gens qui... Merci de le dire. Comme réserver un billet d'avion à 3 du matin. Bah, lui, chercher... gentil. Les infos échangées restent partielles. Tu verras uniquement des fun facts sur la navigation de tes matchs et pas des trucs un peu glauques. De toute façon, je préfère clairement un des deux dans ce. Celui dans qui est réalisateur, tu veux dire. Alors, ça reste gratuit avec des pubs, mais payant 9 balles par mois si vous voulez les matchs limités, comme tous les trucs de rencontres. Moi, le fait que ce soit fait par un artiste, j'ai pas confiance. Ouais. Ce serait un ingénieur, je dirais, ok, c'est carré, là tu sens que c'est n'importe quoi. En plus, c'est un délire parce que vous avez dû le voir dans votre vie amoureuse à tous. Je suis pas persuadé que les gens qui font les mêmes choses se kiffent de fou. Hein, bah, bah, complètement. Bah, oui. Je crois pas, hein. C'est pas du tout envie d'une personne qui me ressemble. Non, parce que Adrien, tu sais qui c'est Adrien Méniel? Ouais. Très bon acteur, à mourir de rire. Très très c'est fort. Moi, je précise. Quand tu dis j'ai pas envie de me mettre avec quelqu'un qui me ressemble, c'est parce que tu te dégoûtes ou parce que. Non, mais parce que j'ai besoin plutôt. Tu n'aimes pas les moustaches. Comment? Non, voilà. Non, mais j'ai besoin de quelqu'un qui me comprend, mais qui est pas comme oui, moi. Oui, voilà, sinon c'est des. Non, parce que je voulais pas que tu te descendes parce que t'es un être extraordinaire, sache-le. Oh là là. Donc te descends pas. Il souffle le chaud et le froid. C'est Vincent Cassel dans Mon Roi. Non, mais j'aime beaucoup cette personne. Après, j'aime vanner. Moi, c'est vrai que j'aime vanner dans l'agressivité. J'aime taper les gens. J'aime la violence. Non, mais. C'est ça qui est. Tu aimes la violence alors que tu es assez doux dans la vie. Ouais, c'est vrai. Ouais. Vous avez déjà croisé des personnes un petit peu comme ça, justement, dans la violence et mais pour Gérard est pareil, hein, dans ses films, il fait que gueuler, excuse-moi. Mais c'est plutôt un mec doux, tu vois. Je suis plus lent, je suis violent dans la vie. C'est vrai que je vous ai vu justement tabasser un SDF, ce qui m'a étonné. Après une époque formidable, quand même. Parce qu'il n'avait pas aimé le film. Il a mis une étoile à une époque formidable. Il l'a retrouvé. C'est quoi tes plus gros trucs de consommation d'internet, Maxime, toi? Moi, c'est les fringues. Mais je devrais pas parce que tu sais, souvent, c'est. Bon, après, maintenant, la pointure, les chaussures, tu te loupes rarement. Ouais. Sauf si vraiment une marque que tu connais pas, que t'as jamais porté, le truc est sourd ou su taillé. Ou sourd ou. Sûr ou sous, pardon, taillé. Putain, c'est chaud, hein. Et, vous faites une grosse journée promo. C'est pour le dire. Non, ça fait. Oversize. Oversize. Ouais. Et non, les fringues, je dirais. Parce que là, je suis en train de m'étendre. Ma réponse serait les vêtements et les chaussures et tout ça. Très bien, très vêtements. Je consomme. Pas énormément d'autres trucs sur internet, non. Non, tu traînes pas trop. Gérard, non. Ça surfe chez Gérard Jugnot. Moi, c'est les noms propres. C'est-à-dire j'ai un problème, il y a trop de noms dans ma tête. Le disque dur est plein, j'ai pas pu. Et souvent, t'as pas de corbeille, je cherche le nom d'un mec que je connais parfaitement. Je vois son visage, je vois dans quoi il a tourné, par exemple. Et donc, je vais sur internet, je cherche qui a joué dans tel film. Et puis, je trouve tout de suite. Avec le prénom, je trouve tout de suite. Mais il m'arrive aussi de connaître le nom de famille et d'avoir oublié le prénom. Alors, je fais défiler des prénoms. Moi, il m'appelle Gasteuil depuis 2 mois. C'est vrai que j'ai été témoin, vous lâchez pas. Vous m'avez raconté une anecdote à l'Alpe d'Huez et vous ne retrouviez plus un nom et vous êtes battu pour le retrouver et vous l'avez retrouvé. Et j'essaye de ne pas avoir affaire à Internet pour faire travailler un petit peu le peu de matière grise qui me reste, parce que ça sèche. Ouais. Avec la chaleur, ça sèche un peu. Bien sûr. Et donc, j'essaye de Et puis c'est très marrant parce que c'est un peu inquiétant, parce qu'un médecin peut m'alerter. Mais il y a quelques des noms propres que je connais et qui disparaissent tout le temps. Ah, ouais. Mais moi aussi, j'ai par ça. Exemple, attends, moi ça m'arrive. Par aussi, exemple, hein. Moi je fais beaucoup de blagues sur les aveugles, donc je prends Gilbert Montagné. Et Gilbert Montagné, maintenant ça y est, il est fixé parce que je faisais un sketch qui s'appelait Écoute Gilbert. Donc quand j'ai un trou sur ce chanteur, je pense à ce sketch et hop, je reviens à Gilbert, hop. Gilbert Montagné. C'est très très compliqué. Et puis il y a des gens, comme la rue des Saints-Pères, je l'oublie tout le temps. Passe par là, pas maintenant. Mais combien de fois je dis, dans la rue qui est là, tu sais, qui coupe la rue Jacob. Et là, ça m'est revenu, la rue des Saints-Pères. Mais souvent, la rue des Saints-Pères disparaît de mon cerveau. Oui, c'est totalement normal. Hein, mais moi j'ai ça, et en fait, mais c'est peut-être de la parano. J'ai l'impression que le truc, il est dans ma tête. Oui, et qu'il disparaît au moment où tu veux le sortir. Dire. J'ai ce sentiment. Mais d'ailleurs, le moteur de ton cerveau va pour le faire, et d'un coup, on te coupe le truc. Ouais, c'est ça. C'est l'éternel sur le bout de la langue, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, j'ai une langue très chargée. Beaucoup de cheveux. Peut-être il faut se brosser la langue, hein, c'est ce que disent les dentistes. C'est pas que les dents, vraiment, brossez-vous la langue et les amygdales aussi. Mais bon, c'est comme bafouiller ou dire un mot pour un autre. J'ai toujours eu ça, donc je suis pas très inquiet malgré mon grand âge d'être défaillant du ciboulot. Mais c'est là, sur mon dernier film, j'avais des menottes et je dis. Avec Béroussin, vous pouvez me retirer mes lunettes. Et ça m'arrive souvent de dire un mot pour un autre. C'est pitoyable. Oui, parce que vous venez de finir un film inspiré de l'affaire Guy Joao. Ouais. Ah, et oui. Génial. Oui, je me suis inspiré de ce pauvre garçon qu'on a pris pour un autre et qui a été jeté en pâture à cause des médias, enfin plein de choses. Mais c'est assez, j'ai trouvé ça intéressant. C'est un drame, mais j'espère qu'on a fait. Lui, il était magasinier chez Leroy Merlin le mardi matin, mardi après-midi, sa vie a changé tout de suite. C'est Dupont de Ligonnès. Ah, ça m'avait fasciné. Moi, quand j'avais vu la photo du mec, je me suis dit comment ils ont pu. Mais Gérard se dit que même les keufs ont été dépassés parce que l'engouement était tellement massif dans les médias que les flics ont suivi le truc en disant. Il y a plein de mecs qu'on a pris pour Ligonnès. Je sais pas, il y a eu 156 signalements, mais pourquoi celui-là, alors qu'il ne ressemblait pas du tout, il fait 10 cm de plus. Et moi, je ne ressemble pas du tout à la photo qu'on a choisie. C'était plutôt un mec qui ressemblait à Alain Chabat, rien à voir. Hein. Mais, et puis bon, il y a eu un truc, une concordance, et puis c'est ce que disait Thierry Lhermitte qui joue dans le dent et qui a rencontré le flic qui était dans cette histoire. Il m'a dit, le flic, il dit, nous on savait que c'était pas lui, mais comme il y a eu un tel truc, BFM, CNews, tout ça, on est obligé d'aller l'interpeller au cas où. Une couve du Parisien. Ils lui ont pété sa porte, ils l'ont pas réparé. Et c'est donc un grand ressort dans mon film, puisque comme on m'a pété ma porte, que je fracasse le flic qui. J'aime bien la violence toujours. Qui m'a pas rapporté ma porte. Quelqu'un énervé. Qui a pas voulu me réparer la porte. Et je lui arrache sa portière. Et en lui arrachant sa portière de la voiture, je l'assomme et comme c'est filmé, tout le monde croit que je l'ai vraiment massacré. D'accord, ok. Et donc, je termine en tôle. Mais vous avez fait tout le film, malheureusement. Ouais, on a la fin. On a malheureusement la fin. Il sort l'année prochaine. Il sortira alors. Pourtant, les gens ont oublié, moi aussi d'ailleurs. Comme la rue des Saints-Pères. Je termine en professeur de Zumba, vous voyez. Et je l'ai vu danser la Zumba, les gars, je vous jure, dans un parking à Saint-Germain-des-Prés. J'ai filmé parce qu'il n'y avait rien de cohérent dans cette situation. Gérard Junior dans un parking souterrain qui danse la Zumba avec le morceau Zumba. J'ai dit, ben là, on est vraiment ailleurs. Hein. Je crois que j'ai réussi ma carrière. Ça peut s'arrêter maintenant. Et parce que Maxime m'a fait un petit clin d'œil gentiment. J'ai un caméo, et je vous cache pas, je commence à être un petit peu dans le monde du cinéma, de la péloche. Ouais. Ça. Selon un sondage, qu'amènerait un homme sur 8 à un enterrement? Des préservatifs. C'est facile. Oh là là, de dire. Très bonne réponse, Adrien Méniel. Non, arrête. Mais ça le fout, en revanche. Je trouvé ça. Les hommes. Tu peux choper. Ouais. C'est terrible. Ouais. Ça s'appelle comment, la petite mort? Bah oui. Et voilà. Bah, la petite mort, c'est quand tu bandes. L'orgasme. Plus. C'est l'orgasme. C'est quand t'as plus d'orgasme ou quand tu bandes plus? Non, c'est l'orgasme. C'est l'orgasme. L'orgasme. Quand tu vas. Allez, pareil, moi je peux arrêter là. Donc effectivement, certains semblent voir des opportunités, ou c'est en tout cas ce que révèle une enquête. Après, je pense que les hommes, ils amènent des capotes partout, oui. Dont les enterrements, quoi, à mon avis. Moi, je sais, quand j'étais ado, j'en avais mis un dans mon portefeuille à mes, je pense, 13 ans, et il a pas quitté ce portefeuille. Il y a encore. Il y a encore. Il est jusqu'à mes 43 ans. Ouais, il est un peu sec, faut faire. Oui. Pour pas l'utiliser maintenant. Effectivement. Et moi, j'ai eu la chance d'être dans une époque où. Oui, il y en avait pas besoin. Ça, c'était formidable. Ouais, bah, c'est, en tout cas, là. Mais je m'en servais pas beaucoup non plus. Il y a une parenthèse enchantée, mais je n'ai pas su la saisir à fond. Et donc, effectivement, ce sondage a mis en lumière des données qui devraient, en tout cas. Donc, oui, un homme sur 8 a déjà amené un préservatif à un enterrement juste au cas où. Ah, un homme sur 8, ça va quand même. Enfin, c'est pas la majorité, quoi. Ah non, un homme sur 8. Oui, selon un sexologue interrogé par le journal britannique Daily Mail, ce chiffre est tout à fait plausible, puisqu'un événement choquant, comme vous le disiez, Gérard, le chagrin sécrète de l'endorphine, hormone également liée à la libido, qui amène un besoin de combler le vide au sens propre comme au figuré. Un petit coquin, ce docteur. Selon cette même étude, 65% des personnes interrogées avaient pris une protection avec elles lors d'un premier rendez-vous, et 63% des personnes interrogées ont déclaré qu'ils étaient plus susceptibles de parler de protection avec leur partenaire une fois déjà au lit avec eux. Voilà, c'était une grande enquête sur les préservatifs. Et donc, un homme sur 8 qui amène sur un enterrement. Mais je pense qu'il faudrait savoir, est-ce qu'il les avait amenés aussi à un mariage ou à une communion, ouais, ou une mise à. Oui, oui. Je pense qu'un mec comme ça, il l'a toujours. À une crémation. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Adrien Méniel, en tout cas, amène toujours des capotes quand il y a un crématoire quelque part. Moi, si vous en voulez, là, j'en ai pas mon sac, là. Il distribue. Chaque que je vous voyais, je me suis dit, on sait jamais. Le mec, il a des sauts de capotes. Vous pouvez vous servir en entrant. J'ai une imprimante 3D, je me les imprime moi-même maintenant. Sur mesure. Est-ce que vous avez déjà assisté à un événement très solennel ou triste qui a ensuite complètement changé d'ambiance? Ah, moi rarement. J'ai toujours eu cette utopie d'entendre le jour où on va m'enterrer, je veux que vous fassiez la fête. Ah oui. Mais j'ai jamais vu un enterrement où les gens étaient pas heureux. Enfin, tu vois, on est jamais heureux, ça nous fait de la peine et du mal, mais après le transformer en bois un coup et on. J'ai jamais vécu ça. Non, ça a existé. D'aller boire des coups après. Non, mais tu sais, même de rire et de dire, bah il est mort, mais viens, on est heureux pour lui parce qu'on se rappelle de lui et il est avec nous et on continue. J'ai toujours vu des enterrements plombés. Moi. C'est ce que disent souvent même les gens avant de mourir. Ils disent, moi je veux que quand je meurs, ce soit la fête, que les gens s'amusent, etc. C'est compliqué. C'est beaucoup demandé, je trouve. C'est un peu égoïste. Non, ça veut dire que tout le monde s'en fout. Moi je veux qu'on fasse un laser game à mon enterrement. Non, mais tu vois, même quand il y a quelqu'un qui meurt et qui est. Parce que les enterrements, ça nous regarde et c'est dans nos familles, c'est pas exposé, mais quand une personnalité meurt, tu vois bien que les gens qui rentrent et qui sortent de l'église ou du cimetière sont pas spécialement heureux d'avoir vécu ce moment-là, et puis ne vont pas derrière se dire, allez, venez, je vous invite au PMU en face, on se fait un petit kermirtille. Non, mais souvent, il y a les pots, il y a des trucs. Mais le pot, il est sinistre un peu, non? Oh, non, ça dépend. Moi, c'est le broquet qui me racontait que l'enterrement d'Alexandre Mouchkine, il avait dormi sur le cercueil, ils avaient tous dansé comme des fous, parce que c'était un truc slave, quoi. Ouais. Ça dépend de. C'est culturel aussi, ouais. C'est culturel, ouais. Ouais. C'est ça. En Afrique, moi, sur les bronzés, on avait vu ça, c'était insensé. Il y avait un type qui s'était noyé, il y avait tout un cortège sur la plage qui partait pour chercher le noyé, avec un cercueil en bois comme ça portait. Passaient devant les touristes, et puis le soir ils sont revenus, ils avaient trouvé le mec, ils chantaient comme des fous, ils étaient ivres morts, mais si tu veux, il y avait un truc assez joyeux, quoi. Ouais. Moi, je suis d'origine espagnole, et nous on fait une paella dans le cercueil avant de mettre le cercueil. Oui, pareil, c'est culturel. Ouais, c'est culturel. chaque pays son délire, tu vois. Ouais. Non, mais je. Alors je... que moi, dans ma culture, c'est on se reparle. Tu vois, on se parle plus pendant des années. Et quand il y a un enterrement, on se reparle. Ouais, voilà, ouais. C'est culturel. Non, mais en plus, quand c'est, si ça nous regarde à nous quatre, là, c'est souvent un peu triste, quoi. Donc, c'est vrai que faire la fête dans ces moments-là, moi qui suis quand même quelqu'un de joyeux, je trouve ça. Je sais pas, c'est compliqué. Je non, mais tu peux essayer de prendre le chagrin en oui, riant. T'as raison, je chiale nous, pas. Nous, on avait un pote, je parle pas de ce qui nous est arrivé récemment, là, c'était un peu moins, mais on avait un pote, quand on avait 22 ans, 25 ans, qui s'est tué en moto, et on jouait au théâtre avec mes camarades, et on n'a jamais joué aussi bien que ce jour-là, parce qu'il y avait une espèce de tension qu'il fallait... évacuer et on riait nerveusement. Enfin, c'est pareil, quoi. Toi, on parlait de sexe et mort, rire et tristesse, ça va ensemble. Quoi. Enfin, rire et malheur. Le rire a été inventé parce qu'il y avait du malheur. Sinon, Et t'as une belle phrase que je ne vais pas te dire parce qu'elle est à toi, mais sur les trucs des essuie-glaces qui est marrant. Mais c'est marrant, ça. Parce que c'est vraiment. Il a pas envie. Non, c'est le résumé du rire. C'est pas ça, c'est que c'est un mantra, enfin c'est une phrase. Je trouve ça très beau ce qu'il y a pas. Non, je dis que le rire c'est comme les essuie-glaces, ça arrête pas la pluie mais ça permet d'avancer. Voilà, c'est. T'es joli. C'est une très belle phrase. Et si vous voulez ajouter un peu de poésie, c'est dans la pluie du malheur. Non mais c'est vrai en plus ce qu'il dit, donc je trouve ça touchant. Ah, c'est vas-y. Non mais moi je trouvais que moi la métaphore que j'employais c'était qu'on est dans une barque avec un trou dedans. Et rire, c'est juste écoper, ça empêche pas l'eau de rentrer dans le bateau. Ouais. Mais ça Maxime, faut qu'on trouve une phrase. Non, mais non, parce qu'il vient de plager sur Gérard. Donc, en fait, il a pris un bateau au lieu d'une bagnole. Excuse-moi, Adrien, t'es pas cassé le cul. Non, c'est d'être dans un train et ça juste derrière, en fait. Ok, tu vas nous faire tous les véhicules. Sauf que dans ta métaphore, il suffit de mettre le doigt dans le trou et. Et l'eau, elle rentre plus, quoi. Et que les autres. Donc, gay. C'est quoi le doigt dans le trou? Non, parce que c'est un gros trou. Non, mais lui, comme il a beaucoup de capotes, il bouche avec des capotes. Toujours des sauts de capotes dans la barque. C'est comme une capote dans une barque, c'est ce que tu me disais. C'est ça. Socrate disait le rire est un médicament. Ah oui. Je suis pas sûr que je sois Socrate. Pas connu. C'est toujours plus classe quand on dit Socrate. C'est un mec comme ça. Socrate, il disait il faut se marrer quand même. Jordan Deluxe, je sais pas. Le bâtard. C'est un des deux. Je quitte l'émission. Quel mode de cambriolage original a récemment permis à des voleurs de dérober des vélos sans déclencher l'alarme ni forcer l'entrée du magasin? C'est une nouvelle façon de cambrioler. Il passe par le toit. Oh là là, très bien joué. Alors, une petite précision. C'est par le toit. Il avait la réponse. Alors, en fait, si tu veux, c'est des toits qui sont avec des espèces de velux, tu sais là. Ouais. Et en fait, ils rentrent dans les gainables du toit. Et du coup, ils passent par tout le système électrique et ils sortent dans un endroit où on ne les capte pas. Ouais, et ils tombent à l'intérieur du magasin. Ouais, mais comment tu sors? Tu sors les vélos par le toit. Par la gaine. Non, non, ils font des échelles humaines, ils sortent les Alors, véhicules par moi, le toit. Moi, j'ai pas l'échelle humaine, j'ai une autre technique, et peut-être on peut se la trouver, mais c'est par le toit aussi, c'est pas l'échelle humaine. C'est une corde ou un truc, quoi. D'une certaine manière, il y a une technique. Une échelle pas humaine. Échelle de chez le Romain, là. Une grue. Pas une. Bah, on est pas loin, on est dans le tour de la grue. Un trampoline, c'est là. Non, c'est je vais vous la donner parce que vous êtes vraiment pas très loin du tout. C'est la technique de la canne à pêche. En fait, il reste en haut. C'est une corde, quoi. Et avec un hameçon. Oui, un crochet. Bon. Ouais, bah écoute, c'est pour ça que je vous l'accorde. Oui, tu l'accordes parce qu'on l'avait, quoi. Un magasin de vélo à Castelsarin a été cambriolé selon une méthode appelée la technique de la canne à pêche. Les voleurs, donc effectivement, comme tu dis, sont passés par les toits sans déclencher l'alarme pour attraper les vélos avec une perche, une dizaine de vélos ciblés, une valeur totale de 60 000 euros. Et tu sais ce qui Il faut faire, faut pêcher au gros parce que comme. Ouais. le vélo électrique avec la batterie, maintenant ils ont des systèmes d'aimants. T'as vu ce qu'ils pêchent dans la Seine? Ils tirent un vélib avec une corde et un aimant hyper puissant. Ouais. Et faut te dire que les mecs ils sont sur le toit parce qu'ils arrivent à visualiser dans le magasin où sont les vélos les plus chers. Donc ils vont se mettre sur le toit à l'endroit où en dessous il y a les vélos les plus. Parce que moi je savais pas, mais un vélo électrique ça peut coûter jusqu'à 10 000 boules quand même. Ouais, ça peut être très cher. Mais ouais, ça peut être très cher. Ils sont toujours fous. Et tu déclenches pas l'alarme là. Apparemment. Et s'il y a des cambrioleurs qui nous écoutent, c'est une belle alarme de merde. Si c'est une alarme volumétrique, ça se déclenche. Non, mais c'est le système Mission Impossible 1 où il descend sur un filin, tu vois, et puis il va chercher le truc sans toucher les lasers et on le remonte, quoi. C'est vraiment ça. Jean Reynaud d'ailleurs qui l'a remonté. Ça, c'est exactement ça. Je pense qu'ils n'avaient pas d'alarme et puis ils ont menti, quoi, à l'assurance, je pense. Oh là là. La suspicion. C'est quoi cette alarme qui ne déclenche pas quand tu passes par. Oh, le suspicieux. Non, mais Gérard est d'accord avec moi. Tu crois que Tom Cruise a pu faire ça? Tom Cruise, c'est son. Il est en galère de thunes, je crois. Est-ce que vous êtes plutôt parano avec la sécurité ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à laisser les trucs grands ouverts? Moi, toi, mon Adrien... père était tellement ouf que je suis comme lui. Mon père était ouf. Hein. Moi, c'est-à-dire... on partait faire des courses une demi-heure et il barricadait la baraque comme si on partait en vacances deux mois. Mais je suis un peu comme ça, moi. Ah ouais, ouais, bah, ouais. Du coup, j'ai pris un peu de lui et moi, ma meuf, elle en peut plus. Je ferme tout, tu vois. Même l'été comme hiver, je ferme tout. Elle me dit, mais ouvre, il fait chaud. Sinon, on ferme, on peut, on sait pas, on part, on sait jamais. Tu rajoutes des grilles. Je vis dans un château fort. Il a bossé des douves. Toi, Adrien. Bah, moi, je me suis fait voler mon vélo justement parce que je suis un... parce que j'ai été un peu con. C'est-à-dire que chez moi, il y a une résidence, faut biper une fois pour rentrer. Ouais, voilà, dans un sas, l'adresse, c'est le code. Je vais donner après. Je vais donner après. Un autre sas, c'est une clé. Et après, un autre sas, tu bipes. Et après, il y a une autre clé pour ouvrir le local à vélo. Et là, tu mets ton vélo dedans. Et du coup, je me suis dit, bah, s'il faut biper deux fois plus une clé, j'ai pas besoin d'attacher mon vélo dans le local à vélo. Grave erreur, on m'a piqué mon vélo dans le local et j'ai appris après que c'était c'est de la SMR que tu fais. Non, je suis en train d'habiller ton histoire. Ah très bien, très bien. J'habille au niveau sonore avec un truc qui n'a aucun rapport. Du coup, on est d'accord. Ouais, mais c'est sympa. Tu l'aurais fait sur mon truc de la barre. Ouais, mais j'avais pas la sonnette du vélo. Ling ling ling. Non et j'ai appris après coup que c'était l'endroit où on volait le plus les vélos les locaux. À vélo, ouais, c'était sûr. L'endroit où se faisait le plus voler. Bah c'est là où il y a des vélos. C'est vrai. Ouais, dans la rue aussi. Et au cas à vélo, c'est vraiment là où on vit. Oui, dans la rue, tu peux te faire voler, alors que dans le local, c'est vrai. C'est vrai. Mais ouais. Tu te dis, t'as confiance en tes voisins. Tu te dis, ils vont pas aller voler. Bah si. Et alors, la conclusion de l'histoire, c'est que moi, j'avais un vélo qui avait vraiment une gueule très particulière. Un vieux. Une marque. Non, justement, les vélos qui ont les grosses roues là. Comme le tien. Ouais. Super 73. Même genre, okay. Mais d'une autre marque en plus qui est moins, encore moins connue quoi. Donc vraiment, il était caractéristique. Okay. Et un jour, moi je sais c'était pas, Gorille. Gorille. Ouais. La marque. Ouais. Ah, ok, d'accord. Ouais, je fais un placement produit, c'est des copains, ils sont dans les Landes à Osgore. Je vous embrasse. Gérard déteste les vélos là. Vous êtes en train de le faire. J'ai un vélo. Mais moi, j'en parle pas pendant des heures. Quoi. Si on m'interrompait pas, ça durerait pas les heures en fait. Comment ça me casser les couilles là. Non. Et trois semaines après, je suis en train de discuter avec ma gardienne devant l'immeuble et il y a une bonne femme qui arrive. Avec exactement mon vélo et donc qui rentre. Pas exactement ton vélo, elle arrive avec ton. J'en sais rien, peut-être. Mais vraiment, j'ai aucun moyen de savoir. Attends, t'as si pas un moyen, un repérage, une rayure, bah non, un autocollant que... un non, truc. Non, justement, je me suis creusé la tête. Genre, est-ce que j'ai pas le numéro de série? J'avais rien. Mais elle est, elle est rentrée dans l'immeuble, elle allait le mettre dans le même local. Vélo. Et moi, j'étais genre, mais c'est mon vélo ou pas, quoi? Et je saurais jamais. Si c'est elle qui l'a piqué, elle est assez con quand même. Bah, ou alors elle a énormément d'audace. Ouais. Ah, c'est les deux. Ou alors. Ou elle s'est trompée. Non, ou alors quelqu'un de l'immeuble. L'a volé et lui a revendu, j'en sais rien. Oh voilà, comme ça. Des scénarios là, c'est oui. Oui, bah, j'ai fait tous les scénarios. Je suis d'accord avec toi, c'est très long cette histoire. Pour tout ça. Mais vous relancez, vous relancez. En fait, il est en train de dire je me suis fait carotte mon vélo dans ma résidence par une voisine. T'es une victime en fait. Parce que... Oui, bah, bien sûr. Oui. Excuse-moi, mais là vraiment, ça fait un petit peu. J'ai pas honte de le dire. Je suis une victime de ça. Il voit son vélo passer avec quelqu'un d'autre dessus et il dit rien. Mais dans le doute, il y a une statistique qui dit que les gens qui sont dans les locaux de vélo ont des préservatifs. Qui ont leur. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ça, 1 sur 8. Ça, on me les volera pas. Il faudra passer sur son mais corps. Mais c'est sûr que c'est le tien, Adrien, pour revenir sur cette histoire. C'est pas sûr. C'est pas sûr. J'allais pas accuser. Mais si tu me dis que ce vélo est très rare, très compliqué à avoir. Même ça, je serais pas. Oui, c'est ça, moi je suis d'accord avec Gérard. Oui. Quand on pique un vélo, en général, il est à Saint-Denis ou à Saint-Ouen. Oui, tu te caches. Elle revient pas sur les lieux du crime. Tu vois, je me suis pour dit que c'était une audace de faire ça, quoi. Ou alors vraiment, effectivement. Donc c'est pour ça que je. Enfin bon, voilà. Donc, et puis je l'ai recroisé après de trois fois avec le vélo. Si je me suis dit, ouais, c'est peut-être le mien. Bon, voilà. J'ai un nouveau vélo depuis. Moi, quand je. D'ailleurs, petit conseil à tous les gens qui nous écoutent, quand j'ai un truc comme ça de valeur que j'utilise tous les jours, je mets quelque chose à moi dessus pour que vraiment je puisse repérer si jamais ça réarrive. Moi, j'ai fait mieux maintenant, c'est que c'est dans ma cave, mon vélo. Ça, c'est le mec se fait chier tous les matins, il a 45 minutes de préparation avant de sortir de chez lui. Mais c'est moins chiant parce que. En fait, je démonte mon vélo pièce par pièce, je le mets dans un coffre-fort, je le remonte le matin à 7h, vers 9h30, 10h, je suis sur le départ. Ah, mais il y a le nombre de gens qui le montent chez eux, c'est très lourd. Oui, oui. Est-ce que vous avez fait des peut-être pas volé des trucs mais des conneries quand vous étiez jeune, Gérard? Moi je me suis volé. C'est le moment. Ouais, vas-y Gérard. Pardon. C'est le moment d'assumer. Non, j'avais une bagnole. Une fois j'ai volé une petite voiture. Oula. Et j'étais très embêté. J'étais très embêté, très culpabilisé. Un jouet, on parle d'un jouet. Et je suis allé la rapporter le lendemain. Non, on parle d'une Austin, t'as raison. La première semaine. Au magasin de jouets, je suis allé la rapporter et là c'est là où j'ai failli me faire piquer. En la rapportant. Ah oui, d'accord, vous avez voulu la rapporter discretos. Ouais, ça me permet de voir. Je dans le rayon et là on m'a dit que tu fais. Non, je regardais. Mais non, je crois que j'ai jamais aimé voler parce que d'abord j'avais pas le courage. Oui. Non, mais par exemple, quand on a construit le, nos cafés-théâtres, de temps en temps, on oubliait de payer au BHV, quoi. Mais, c'est mais c'était ça. Un oubli. C'est volé ça. Mais très peu, c'est parce qu'il y avait la queue et que ça nous gonflait d'attendre. Alors, que... alors que le Café de la Gare, eux, il a été entièrement construit grâce au BHV, parce que c'était des voleurs terribles. Ouais. Moi, je vole. Donc, un énorme voleur, finalement, au final. Ouais. Moi, je vole un peu encore. Ouais. Ah ouais, ouais. Ouais. Ah merde. Sur non, les tournages pas, non, dans les supermarchés. Ça y est, ils sont gavés, Carrefour et tout, on peut nous casser les couilles. Hein. Ouais, non, mais alors ça, c'est moi, pas avec un pack d'eau, un pack de lait pour enfants qui vont me faire chier, non. Moi, je non, suis mais d'accord. En fait, tu sais, ces caisses, toi, ces nouvelles caisses enregistreuses là, automatiques où tu le fais tout seul. Hey. Le mec est débordé, on est 17, et en fait, il y a deux packs de lait. Bon, mais j'en passe qu'un, là, je le mets au sol et hop, je sors. Et le, ce que je pique le plus, c'est ça, c'est vraiment ma fierté, j'adore. Mais maintenant, je suis baisé, je le dis en vrai. Les gens, s'ils me reconnaissent, s'ils vont me suivre dans tout le Carrefour, j'adore les pignons de pain. Et les pignons de pain, c'est hors de prix. Ouais. Vous saviez ça ou pas que c'est hors de prix? Oui, bien sûr. Donc, bien un sûr. Sachet d'un kilo, ça peut coûter 80 balles, ok? C'est très calorique. Donc, je remplis de pignons de pain, mais vraiment un port de pignons de pain. Ça, je fais un pavé de Paris de pignons de pain. Et non, je mets riz blanc. Et là, c'est 1,80€ et tiens, bye bye. Et la gonzesse, elle vérifie pas, et ça, j'adore, putain. Ça, je gagne 80 balles sur ma feuille de course quand même. C'est bien parce que c'est la vendeuse qui paye avec son argent. Non, parce que je pense qu'il voit même pas, tu parles de la densité de ce genre de truc. Mais tu fais ça en grande surface? Ouais. Ouais, en province, Arsène Lupin, ça vraiment dans des trucs où il y a des tonnes. Ça perd la démarque étrangère, c'est ça, non, comment ils appellent ça? Oh, j'ai aucune culture. Je crois qu'il y a eu 3 ou 4% du chiffre d'affaires. Ah oui. Et c'est pour ça que les prix augmentent et que les pauvres gens payent plus cher le riz et les pignons. Enfin, merci. Merci Maxime. C'est à cause de mais toi. Non, mais attends, moi je me suis fait tout seul. Je me suis fait tout seul, moi, les mecs. Pas sûr que ce soit à cause non, mais c'est comme de, les gens de, qui piquent les peignoirs ou les trucs dans les hôtels. C'est souvent les femmes de chambre qui se font gueuler. Et dans les hôtels, je vous jure que j'ai grandi dans un milieu très d'artisan, tu vois, où on manquait de rien, mais on était quand même pas non plus. On roulait pas sur l'or. Et même moi, à l'hôtel, je repars, tu vois, par exemple, quand je suis en tournée, je ne bois pas de café, ma meuf en boit, je repars avec les 4 ou 5 capsules expresso qui sont posées je vois très bien. À côté de la cafetière. Et non, ça, c'est pas grave, ça, c'est des amis. Ouais, mais ça fait un peu pince, tu vois. Mais ça c'est la culture, mes parents, moi aussi j'ai eu la culture du si tu payes un truc cher, t'as le droit de piquer les trucs un peu autour, qui sont gratuits. Ouais, c'est le truc complexe du blédard, comme dit Gad. Moi j'ai commencé à c'est vrai que moi, j'ai plein de savonnettes, moi chez moi, parce que c'est pour les amis et les invités. Moi j'ai t'as le droit, parce qu'ils vont les jeter. Moi j'ai 17 filets pour les cheveux en plastique pour la douche, dont je me servirai jamais. Mais ils sont dans cette petite boîte qu'ils appellent, comment ça s'appelle déjà? Aminité. Oui, c'est ça, le truc où t'as le coton-tige. À votre disposition. Ouais. Mais sauf que c'est de plus en plus dans les hôtels, du coup, collé aux parois des salles de bain. Tu peux enlever les gels douche et tout. Là j'étais à Annecy au festival, là, et tous les. J'avais pas. C'est particulièrement prévu de piquer des trucs. Bah, t'as piqué quand même. Mais non, mais du coup, le shampoing et tout était fixé. Alors, du coup, j'ai percé un petit trou à l'intérieur. Voilà. Je l'ai fait couler dans un sac en plastique. Passé par le toit, là. Avec une canne à pêche. Bon, c'était un peu galère. J'ai ramené 4 litres de gel. J'ai revu une semaine après. J'ai sorti la télé. Voilà. Du coup, il a piqué le lavabo. Ouais, bah, écoutez, on paye, merde. Le mec, il repart avec la façade de la salle de bain. Excusez-moi, ça s'enlevait pas et j'ai vraiment besoin de shampoing. Les coton-tiges. Non, c'est crevard quand même. Ah, bah, il y a un petit côté crevard. Ça, c'est très bien. Mais cela dit, j'ai fait. Les savonnettes, c'est crevard aussi. Avec tout le respect. Ouais, non, mais c'est pour les invités, bien sûr. C'est pas le moyen de payer un petit savon d'invité. Alors, cela dit, Gérard, moi j'ai fait quelques recherches. Apparemment, à une époque, vous faisiez régner la loi. En tout cas, c'est Jean-Louis Aubert qui a dit ça. Quand vous étiez pion à l'école, vous avez été le pion de Jean-Louis Aubert. J'étais pion à la cantine. Voilà. Et il a dit, il était sévère, pas rigolo. Apparemment, vous appelez Attila, c'est ce que j'ai lu. Oui, mais c'est normal parce qu'il y avait. Il y avait des branleurs. C'était le réfectoire. Le réfectoire, c'est un moment de bordel absolu, quoi. Ouais. Et donc, les types hurlaient. Jean-Louis Aubert, à 2 ans, il se baladait à Pôle avec du shit dans les mains. Bah oui, il fallait s'appeler Attila pour le contrôler, je te le dis. Même si on t'adore, mon Jean-Louis, bien sûr. Fallait bien l'empêcher de chanter, quoi. Pardon. J'ai pas réussi. Hein. Il a tout fait pour. Hein, mais... Non, mais c'est vrai que c'est les petits Suisses qui volaient et tout, c'était. Au bout d'un moment, il faut sévir. Mais oui. Non, mais je oui. me souviens, il y avait un môme, hein, je te jure, devant moi, il me voit, il voyait que j'étais là, il avait gardé un petit Suisse, il la met dans la capuche de son pote, il lui écrase la tête. Oh. Et je lui dis, ah bah là, maintenant. Et il me fait, monsieur, j'ai pas fait exprès. Mais sincère, je l'ai pas fait exprès, c'était formidable. C'était Bertignac. Non, mais c'est dit, vous avez pas mal tourné avec des enfants. Vous avez un plaisir, sur les choristes, on aime gueuler sur des enfants. Il y a un petit plaisir d'acteur quand même, même dans Il n'y a pas de réseau, il y a un truc de vouloir un peu violenter des enfants. Non, mais ce qui était bien, c'est. Attention à ce que vous dites. Non, mais c'est un film d'aventure, donc tous les matins, pour le coup, moi j'avais jamais tourné ça. Tu te lèves tous les matins dans un parc d'attractions où tu vas t'amuser à faire des cascades et à faire régner la terreur et faire une bataille avec eux. C'était vraiment jouissif de jouer des. C'est un cartoon, ça aurait pu être adapté d'une BD, tu vois, c'est ça qui était cool, ça n'existe pas. C'est quel film, il n'y a pas de raison. Ouais, ouais. Gérard, ciseau, allez, putain. Allez, Gérard, s'il te plaît. On est ressorti des vélos, des capotes. Le ciseau de cinéma. Bah oui, quand même, il faut le dire, on n'est pas là pour faire dire des conneries avec ces gens-là que je ne connais pas. Ah, un peu des deux, quoi. 50% capote, 50% promo, on va faire. C'est comme ça qu'on est. Et on va c'est éviter slogan. De faire les deux. On va éviter qu'il y a un recours. Bon, et justement, c'est diffusé votre truc. Ah bah dès lundi. Ouais. Ah la vache. Ah ouais, ouais, ouais. Dès lundi. Mais un petit peu de montage après, vous savez tout. Mmh. Et d'ailleurs, comment on se sent quand justement on envoie le scénar à Gérard Jugnot alors que et qu'on lui propose un rôle où justement, entre autres, il va être enfoncé dans des toilettes jusqu'à à peu près le nombril, ouais, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a un petit stress? On se sent déjà, on se sent. T'as raison, on se chie dessus. Et puis en plus, on sait d'amont par des connaissances de connaissances. Tu sais jamais si c'est vrai, mais c'est des sources quand même assez fiables. Mm. Que Gérard, c'est un mec qui dit oui. Quand il dit oui, c'est oui. Et quand il dit non, c'est parce qu'il a pas envie ou qu'il a, il se voit pas dans ce film ou il a pas envie de voir ce film, tu vois. Mm. Mm. Et quand il te répond, j'ai adoré le film à la lecture. Non, mais c'est pas fait. Ça s'est pas passé comme ça. Oui, mais t'as aimé le film. Oui, non, c'est vrai, parce que c'était ça, pas ça ce rôle-là qui m'a énormément touché. Ils m'ont pas donné ce rôle-là au départ, ils voulaient jouer une panouille. Non, on voulait qu'il ait le rôle de Bernard Farcy dans le film. Qui est très marrant dans le film. Ouais, on voulait que ce soit le. Et moi, j'avais fait beaucoup de caméos, j'ai dit, bah non, j'aimerais bien avoir un truc à manger un peu plus. Il m'a dit, franchement, j'ai pas grand-chose à bouffer. Et ça m'a touché parce qu'en amont, il me disait, j'adore le film. Et en fait, ce film, on devait être deux frères dans le film. Et la personne qui devait jouer mon frère a avorté une semaine avant qu'on tourne en me disant, c'est pas mon truc, j'ai pas envie. Et du coup Gérard, je pensais à lui tout de suite, je dis putain mais il a la dalle, c'est la folie, je dis à Ben mon producteur, les gars on réécrit un peu mais c'est plus deux frères, c'est un père et un fils. On lui propose. Et le film a beaucoup gagné, je trouve que votre relation elle est très chouette. Ouais, il adore l'idée, Edouard se met à réécrire avec Olivier Ducret qui est co-scénariste du film et puis il a adoré cette version, on est parti. Magnifique. Mais je pense que c'est beau aussi, je pense que ceux qui doivent faire les rôles les font, tu vois. Parfois faut pas trop se mettre des cailloux dans la tête en disant putain on sait pas si on va l'avoir, il m'a pas encore dit non, ça se trouve il peut nous lâcher. En fait t'as toujours un plan B. Ouais, mais il y a un acteur qui m'avait dit ça. Et c'est même pas un plan B, c'est un plan A parce que c'est celui qui le fait qui ça devrait le faire. A, c'est ça. Ouais, ouais. Moi, il y a un gars qui m'avait dit ça quand j'avais proposé un rôle pour mon film et qui m'avait dit mais tu sais les films se font avec les gens qui doivent le faire. Ouais. Ça m'avait énervé parce qu'il refusait mon film. Donc j'étais genre oui mais bon c'est facile à dire quoi. Et au final il a eu raison. La personne qu'on a pris à la place était bien meilleure pour le rôle. On parle de José Garcia. Non c'est un autre acteur. Un autre acteur. Mais vous avez déjà vu ça aussi vous Gérard sur des films où vous aviez pensé à un autre acteur. Je t'en parlais de l'époque formidable. Moi j'avais proposé à Noiret. Ouais. Et qui m'a dit non, enfin, il m'aimait pas beaucoup à l'époque. Après, on a retourné ensemble et ça s'est très très bien passé. Mais l'idée de Boringer est venue et c'est bien mieux. Ah bah oui, c'est une bien meilleure idée. Mais on a fait un petit peu ce quiz de la dernière fois. On me disait qu'apparemment, justement, c'était sur Tapis Jaune, que dans Inception, c'est Will Smith qui devait jouer DiCaprio. Okay. Ah ouais le ouais. premier, et il refuse le rôle. Ouais. Mais je vois pas le film avec Will Smith. Ouais. Non, après, bien sûr, on l'a pas vu, comme ils m'ont dit dans l'émission, tu peux pas te rendre compte, mais je trouve que DiCap il est au top dans ce délire là. Mais Will Smith il en a eu plusieurs, il devait faire Matrix aussi. Ouais. Enfin, il y a eu 2-3. Mais c'est un peu ratés. Notre Daniel Auteuil à nous. Hein. Ouais. Hein, on est d'accord. Parce que Daniel Auteuil c'était intouchable et bienvenu chez les Ch'tis, je crois. Il avait refusé. Trois hommes à coup fin. Mais en même temps. Il a fait des films de fou. Ça lui a pas empêché de faire des beaux films. Ouais, c'est ça. C'est ça. Quel type de concours redevient à la mode en ce moment même aux États-Unis? De beauté? Non. D'alcool? Pas d'alcool. Est-ce que c'est sur Internet? Non. Alors, ça a pris sur Internet comme souvent. C'est devenu, les gens. Mais est-ce que c'est un concours qui concerne les enfants? Pas les enfants. Les adultes uniquement. Là, c'est plutôt les adultes, effectivement. Un certain type d'adulte. Sosie? Oh, très bonne réponse de Gérard Junior. C'est qui un sosie, Gérard? C'est ton père, non? Non, il a. Bah, mon père, un peu. Bah, oui. Mais mon père, tout le monde lui fait cette vanne depuis qu'il est jeune en lui disant qu'il ressemble à Gérard Jugnot, tu vois. Incroyable. Donc c'est dingue parce que je travaille avec lui et que ça a bercé mon enfance et compagnie. Ouais. Mais il a un vrai sosie, Gérard. Un vrai sosie dans la vie. T'as eu un vrai sosie? Oui, il y a très longtemps. Mais il te ressemblait vraiment, ce gars, ou pas du tout? C'était à l'époque où il n'y avait pas le numérique, donc j'avais besoin d'un Pinot. Je voulais mettre à la fois le metteur en scène et l'acteur. Donc. J'ai fait une annonce à la télé, je me souviens, au journal télévisé, et j'ai reçu des quantités de photos. Tous les mecs un peu gros, moches, et chauves et moustachus, ils disent on me prend pour vous. je cartonne dans les boîtes. Que des horreurs, quoi. Je déglingue à tout va grâce à ma ressemblance. Enfin, donc, et puis il y en a un que j'ai trouvé qui était pas mal, qu'il y avait un sous un certain profil, était vraiment bien. Il avait déjà, il s'était un peu rasé, c'était arrangé, il avait mis la moustache. Et donc, je l'ai fait tourner une fois ou deux, d'ailleurs, dans Tranche de Vie, il était aussi. Mmh. Et puis, il est devenu un peu fou, il a commencé à faire des animations, des trucs. Oui, c'est ce qui a inspiré Grosse Fatigue. Ouais, quoi, voilà. Ah, ouais. Ah, ouais. Et un jour, j'arrive, je crois que c'est à Toulouse, pour me présenter un film, et il avait mis une photo, Gérard Junior vient la présenter, je crois que c'était Scout. Et je lui dis, ah, c'est marrant ça, parce que j'ai une chemise Lacoste, je mettais les chemises Lacoste. Et c'est marrant parce que moi, j'ai pas de Ray-Ban, mais c'était vraiment moi. Et je lui dis, mais où est-ce que vous avez pris cette photo? Il me dit, bah, c'est quand vous faisiez l'animation sur le Tour de France. Et je lui dis, putain, c'est dingue. Et le type était devenu un peu fou. Une fois, il y a une projection, moi j'étais en interview à RTL, il y avait une avant-première, il arrive avec les lunettes noires, il passe devant tout le monde, il se la goberge. Et il y a une fille qui lui dit, mais vous êtes qui? Il dit, bah, je suis Gérard Junior. Elle lui dit, non, il est en train de faire une interview à RTL. Et l'autre lui a dit un truc dément, lui a dit, c'est pas grave, laissez-les rêver, en parlant du public. Oh. Et là, ça fait peur. Ouais. Et donc après, il a commencé à faire des pubs, et là, j'ai attaqué. Ah, oui, ouais. Pas ah, lui, oui. Parce qu'on pouvait pas l'attaquer. Si t'attaques, c'est toujours dégueulasse. Ouais. Il gagne des sous, et pas moi. Bon, mais en même temps, le mec, il a fait pousser la moustache exprès, il s'est rasé exprès. Enfin, bon. Ah ouais, d'accord. Mais bon, puis c'est quand même très curieux. Mais sur le film, il y a le sosie de... une jolie anecdote. Dans le film, on a le sosie de Johnny Hallyday. Ouais. Ouais. Et là-dessous, le mec me montre une photo de lui et un type qui me ressemble mais comme un crachat. Oui, il lui dit c'est un sosie qui s'appelle. C'est votre sosie. Bernard dans la vie, il a une casquette. Bon, il a une casquette parce qu'il est, il a une cicatrice. Ouais. Je sais pas, mais il est très sympa. Tout le monde l'aime beaucoup dans le milieu des sosies. Et je dis putain, c'est dingue, ça me ressemble parce que l'autre ne me ressemblait pas à ce moi. Je dis c'est fou, je montre à tout le monde. Ah oui. On est atterré. Hein. On se dit vraiment, genre le gars, il a vraiment un jumeau dans, ouais, dans le. Et monde. Je montre ça à ma femme qui me dit t'es con, c'est toi. Et je dis mais non, c'est pas moi. Comment veux-tu qu'il y ait une photo? Et puis il me dit mais si, c'est ta casquette, je sais pas. Et puis ce petit truc, elle me connaît mieux parce qu'elle me voit plus que moi je me vois. Et en fait, c'était vraiment moi. Et le type, il m'a, c'était une photo qu'il avait prise 2 ans ou 3 ans avant. Je crois que c'était en Suisse, dans un aéroport. Il y a plein de mecs qui me demandent des selfies. Je regarde pas leur tronche et paf, ouais. Paf, hop, on s'en débarrasse. Et j'avais pas vu que c'était le sosie de Johnny. Ah oui. Et donc, il y a une photo, c'est insensé. Hein. Et le mec, il nous a tenus jusqu'au déj quand même. Et ah, ce oui. Sosie était plus Johnny que Johnny. Parce oui. Que tu sais, il lui ressemblait, mais il était vraiment dans l'attitude. Et même à la post-déj de tournage, on est à la cantine, je vais le voir, je dis, je peux avoir une photo. Il m'a dit, non, attends, là, je suis en train de déjeuner. Et après, Johnny, il sera la photo. Je dis, oh, d'accord. Oh, d'accord. T'es en carotte râpée, tu vas prendre un chassé dans la gueule. Je suis tout de suite. Non, mais ça, cela dit, le mec, il a bien joué, parce que moi, j'y ai cru. Ouais. Il jouait mieux, d'ailleurs, dans la vie que. Mais bon, enfin bon voilà. Non mais vous mais allez les voir. Sosies, les pour sosies, ceux qui verront le film avec leurs enfants, parce qu'on est tous de ceux qui écoutent ont des enfants, je suppose. Il y a de tout, il y a de tout. Il y a des jeunes qui iront voir le film. Vous allez vous éclater. Cette scène est vraiment. Enfin nous on a pris énormément de plaisir à la tournée. Ces 2 jours avec ce mec, c'était du génie vraiment. C'était très très marrant. Donc oui, en gros, bon, on pourra faire très vite, mais effectivement, ce concours de sosie, il y a eu le concours de sosie de Pedro Pascal qui a attiré une trentaine de candidats. Il y a eu celui de Timothée Chalamet où il est venu lui-même. Ouais. Ce qui était et il a perdu à son propre concours de sosie. Non, mais si. on raconte sur Chaplin. Ouais. Ouais. Ouais, bah, apparemment il a refait le même truc et il y a eu Paul Mescal à Dublin, il y a eu Harry Styles à Londres, voilà. Donc ça reprend de plus en peu plus des concours de sosie. Ouais, je vois passer ça de temps en temps effectivement. Non, mais c'est à Cannes il y a au moins 15-20 ans Gilles Jacob a eu l'idée d'amener des sosies. Donc il y a les sosies de Pierre Richard. Il y avait le sosie de je sais pas qui, et puis le mien, enfin c'était 4-5. Et donc je fais, à un moment, j'étais là, je vais à un déjeuner, il y a un mec, un anglais, qui me dit ah, j'ai fait votre interview, il va passer. Là, il me dit oh putain, c'est pas vous. Aïe, aïe, aïe. Et le mec, il avait répondu, tu vois. Et donc c'était pour la BBC, enfin, toi. Et je me dis c'est trop tard, c'est parti. Je peux écouter. Alors, j'écoute. Et le mec dit mais vous avez jamais songé à faire une carrière internationale? Et le mec qui jouait mon monde, non, parce que je croise pas bien l'anglais. Enfin bon, c'est un truc. Il était détruit, le type. Il était détruit. J'emmerde Hollywood. Ouais, bon, bah, non, mais sur des. J'ai trompé ma femme, voilà, ça va. Ça va, Gérard, 17h, il rentre chez lui, quel bourbier. Ceci dit, pas mal pour. faire des folies et dire non, non, mais c'est le sosie aussi. Ah bah oui. Ah, bah, ah oui. Ah, non, mais surtout. C'est grosse fatigue. Ouais, non, mais surtout, tu peux pas faire de la, je sais pas quoi, des enquêtes. Savoir si c'est pas toi la reconnaissance aux paternités. Parce ouais, que voilà, bien sûr. Non, non, il y a quand même. D'où les capotes, l'utilité, quand même. Ah, bien, bien, bien. Appelons cet épisode les capotes. Un festival de musique en Angleterre va interdire les montres connectées. À votre avis, pourquoi? Parce que ça enregistre. Alors, pas parce que ça enregistre. Parce que ça fait des parasites dans l'électronique. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est parce qu'ils regardent les matchs de football? Non, mais ça j'ai eu ça récemment, moi. Ouais, moi j'ai fait ça au théâtre quand c'était la Coupe du Monde, je crois. Je jouais au théâtre et j'avais des mecs. Moi, j'étais pas très branché, mais il y avait quelqu'un en coulisses qui regardait. Et à la fin, au salut, je dis voilà, merci. Pour ceux qui aiment le foot, je vous signale que la France mène 2-0. Et dans la salle, il y a 5 mecs qui font non, 3. Et puis j'arrive, on peut regarder la pièce. Oui, des fois, si on a pris les places longtemps en avance, on sait pas ce qui va se passer. Voilà. Bah, moi, j'ai une vanne dans mon show qui relate l'Apple Watch. C'est peut-être ils répondent au téléphone ou ils reçoivent des coups de fil. Non, pourquoi? Non, parce que les mecs, je dis aujourd'hui dans mon show, les trentenaires, ils ont l'Apple Watch. Les gars, ils répondent au téléphone avec leur montre et quand on les appelle, ils sortent leur. Non, ils répondent. Attends. Ça fait longtemps que tu n'as pas joué. Et je vais le jouer ce week-end. Non, mais tu sais, genre, ils répondent à un appel avec la. Avec l'Apple Watch, et tu leur demandes l'heure, ils sortent le portable. Ah oui, donc c'est ça, bien sûr. Mais je vois beaucoup de gens qui font comme ça. Elle est bien. Elle est bien, mais dans le spectacle, elle était moins bien là. En plus, Méniel, il me juge, je vais l'enculer. Avec le montage, ça sera top. Bien joué. On appelle, de toute façon, on met des fous rires pendant tout l'épisode, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est lié au fait que la montre, elle enregistre ton rythme cardiaque, des trucs comme ça, ou pas du tout? Alors, c'est pas lié au truc de rythme cardiaque. C'est lié à la santé? C'est lié à l'application manière. De santé. Ah, parce que le son est trop fort et elle dit là il faut se barrer quoi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est plus ou moins lié à la santé, tu dis? Elle appelle les urgences parce qu'elle sent que c'est en danger. Les pulsations cardiaques montent. Alors c'est pas le pulsation cardiaque, mais effectivement c'est lié. Parce qu'ils font des pogos et ils croient que t'es tombé. Ils croient que t'es en danger. C'est pendant un festival, effectivement, un festival de. T'as eu un accident de voiture, genre. Exactement. C'est pendant un festival de musique métal. Vas-y. Non, je t'en prie, c'est important, tu finis l'anecdote. Non, je te jure. C'est pendant un festival de musique métal, le Download Festival, et en gros, vu que les gens se poussent et dansent et machin, les Apple Watch appelaient les secours. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, en 2023, pendant les danses, les moshpits, etc., ils avaient déclenché des centaines de faux appels au 999, le numéro d'urgence britannique. Les mouvements brusques qu'il y avait. J'imagine, au même endroit. Putain, les gens sont morts. Non, mais c'est bouger le cul, mec. Ils ont tous de crever là, en même temps. Mais c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, d'un coup, il y avait 700 appels le même jour. Donc ils disaient, mais putain, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est juste que les gens dansaient, quoi. Moi, j'ai une histoire relatée d'un fils d'une personnalité. Je crois que c'est le fils de Bernard Tapie il a été sauvé grâce à son Apple Watch. Il a fait une crise cardiaque. Ah oui. Et tu sais, l'Apple Watch, elle détecte l'arrêt du battement de cœur. Okay. Et la position de la montre, c'est pas normal qu'elle bouge plus et qu'elle soit comme ça. D'accord. Et les secours sont arrivés et l'ont sauvé grâce à l'Apple Watch. Mais moi, c'est vraiment pour moi de la magie vaudou, quoi. Je comprends toujours pas comment l'Apple Watch. C'est sur le sommeil, toujours pas comment ça calcule des trucs juste avec. Je trouve comme tu dis, je me dis que c'est des fictions quand les mecs se disent, on m'a sauvé grâce à l'Apple Watch. Putain, c'est assez dingue, je trouve. Ouais. Adrien, toi, t'es très. T'as une Apple Watch, là? J'en ai une, je la mets plus trop en ce moment, mais oui, j'en ai une. Et je sais qu'une fois, j'avais pris un traitement, et au bout de 3 semaines, j'avais eu une alerte qui m'avait dit, enfin, de la montre qui m'avait dit, votre rythme cardiaque a augmenté en moyenne et tout. Et effectivement, dans les effets secondaires du traitement, il y avait ça. Un peu tachycardie, quoi. Ouais. Et donc, du coup, j'avais raté le traitement. Mais toi, t'as des anecdotes de merde, hein. Ouais, bah pardon. Après, je l'ai pas lancé sur un truc fou, hein. Non, c'est ma faute. Putain, on peut pas rire. On dirait Tapis Jaune, sans déconner. Putain. Bernard Tapis Jaune. Oh, allez. J'ai mis la merde dans la tasse. Tu seras marié dans l'année. C'est une. C'est un truc. Je suis désolé, j'ai soif, je comprends pas ce qu'il va. Mais vas-y, parce qu'il fait très chaud. Tu veux. Ça te dit de remettre de l'eau? Non, mais j'y vais, moi. Vas-y. Allez, mangue-toi. Mangue-toi, petite merde. Alors, fais gaffe, l'eau chaude, c'est l'eau froide. Il faut tout faire. Oui, l'eau chaude, c'est l'eau froide. Ouais, ça a été mal foutu. Et tu tires la chasse après. Alors, j'ai une dernière question, après on passera à un autre jeu. Alors non, j'ai même deux petites questions liées à Gérard, mais bon, ça, on verra ça tout à l'heure. D'abord, quel service va proposer le chef étoilé Alain Lorca, j'y connais rien, dans son restaurant? Un nouveau service en plus? Un nouveau service. Attends, j'ai vu ça, je l'ai lu. Ah, mais après, il oublie les mots. Une donc. Nouvelle fonctionnalité. Ah non, tu peux payer en plusieurs fois. Très bonne réponse de Gérard Jugnot. Effectivement, le restaurant situé à la Colle-sur-Louis met en place une initiative originale pour rendre la gastronomie haut de gamme plus accessible. Ouais. Le paiement en trois fois c'est sans frais. C'est des leasing un peu, c'est ça, non? Bah là, c'est sans frais apparemment. Ouais, tu sais que je savais pas, mais qu'on peut louer aussi des montres de luxe. On peut s'acheter une vie avec sans moyens. On peut se louer une Rolex, on peut se louer comme les voitures de sport très chères. Et tu peux me louer moi aussi. Non, mais c'est dingue, je trouve, dans le monde dans lequel on est. Ouais, c'est ça. tout est bon pour prendre de l'oseille, même à ceux qui n'en ont pas. Quoi. Ah bah oui, qui ont envie de montrer. Ouais, mais c'est parce qu'on a envie. C'est comme la moitié des influenceurs qui sont devant un jet, ils l'ont loué. Ou même pas. Il paraît qu'ils reconstituent des intérieurs de cabine où ils vont juste pour faire leurs vidéos et le mec fait payer toute la journée des mecs qui s'installent ils sont dans un jet. Donc effectivement, face à la baisse de fréquentation due à l'inflation et au recul du pouvoir d'achat, le chef a décidé, après réflexion et échange avec des professionnels, de proposer un système dès le 5 juillet. L'objectif, fidéliser la clientèle et attirer de nouveaux clients, souvent intimidés par les prix, 85€ le midi, 240€ le soir, pour effectivement avoir des... pour pouvoir en payer plusieurs fois. Il pouvait baisser ses prix aussi, mais il a préféré... quelqu'un lui a dit, c'est 600 balles quand même, bon, c'est 600 balles quand même. Voilà. J'ai deux petites questions liées à Gérard Jugnot. Est-ce que vous savez quel personnage mythologique Gérard Jugnot a croisé deux fois dans sa carrière? Mythologique? Créature mythologique, un personnage culte de la littérature. Deux fois dans sa carrière, dans deux films différents. Ah! Tu veux dire de fiction? De fiction. Ah. Dans la fiction? Dans la fiction, dans votre filmographie. Comme si j'avais joué avec Victor Hugo, par exemple. Alors, pas plutôt quelqu'un, un personnage, mais fictif. Genre Cyrano de Bergerac, quoi. Voilà. Par exemple. Ok, d'accord. Ah d'accord. Pas un centaure et pas Cyrano de Bergerac. Et moi il faut que je réponde. Vous pouvez si vous avez la réponse. C'est tout le monde peut jouer. Bah, ça te concerne quand même beaucoup. Ce qui donne un sacré avantage. Vous avez un petit avantage. Personne, quoi. Mais vous avez un petit avantage. Parce genre que si j'avais croisé, j'ai pas tourné. Si Obélix. Non. Mais j'ai fait une fois. Pas Iron Man. C'est un français. C'est un français. Ouais, personnage fictif français. Non, pas français. Mais dans des films français. De la mythologie Ulysse et etc. Là. Non, plus récent. Aladdin. Pas Aladdin, mais cela dit, ça aurait pu être possible, effectivement. Jiminy Cricket. Pas Jiminy Cricket. C'est un français. Non, les films sont français, oui. Dans lesquels vous avez tourné, mais ce n'est pas un personnage Pinocchio. Français. Pas Pinocchio, non. C'est européen Oui, c'est européen. Okay. Anglais. Alors. Adolf Hitler. Non. Robin des Bois. Cela dit. Oui. Alors, Robin des Bois. C'est pas Robin des Bois. Le livre est anglais. Mais la créature ne vit pas. Je vous donne Winnie l'ourson. Pas Winnie l'ourson, ne vit pas en Angleterre. Alors c'est un animal. C'est pas un animal. La créature. Ouais. C'est un personnage qui pourrait exister dans la vie. Frankenstein. Non, mais on s'approche. Alors, ça pourrait exister dans la vie. Pas. Bon, non. Dracula. Très malade. Dracula. Ah, très bonne réponse. Oui, j'avais fait un film qui s'appelait Dracula et Dracula Junior, je crois. C'était Dracula père et fils. Père et fils. Avec Christopher Lee. Et j'ai fait les Charlots contre Dracula. Les Charlots contre Dracula. Et c'était Andrea Vocinas qui faisait Dracula. Il était mauvais comme un cochon. Alors c'était un grand professeur d'art dramatique. Bien sûr. Très, très, très branché. Ah, oui, c'est bon. Et Christopher Lee. Quand même, vous avez tourné avec le vrai Christopher Lee, le vrai Dracula. Je sais pas si je l'ai croisé, lui, je crois pas. Ouais. Mais oui, c'est pas les meilleurs films de ma filmographie. Non, mais voilà. Non, mais vas-y, chie-lui dessus, quoi. Que le film des Charlots c'était le premier qu'ils écrivaient, et il y avait plein de choses très drôles. Mais oui. Et puis après, ça a tourné en cacahuète avec leur. Enfin bon. quel est le point commun entre Gérard Jugnot et la saga Fast and Furious? Oh waouh! Parce qu'il y en a. J'ai perdu mon permis de conduire. Ça concerne les voitures. Outre le fait que vous êtes le Vin Diesel français. Évidemment. Ça concerne les voitures? Ça concerne pas les voitures. C'est parce qu'il a fait autant de Duc au but que de Fast and Furious. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est en termes de. Est-ce que c'est lié au cinéma? Enfin, C'est lié au cinéma. Ok. De nombre d'entrées? Pas un truc de nombre d'entrées, non. Non, un acteur que j'ai côtoyé. Alors, c'est pas un acteur que vous avez côtoyé. C'est un réalisateur que vous avez. Dirigé. Oh. Qui a été aussi comédien. Selon ce que j'ai lu sur Internet. Français. Réalisateur français qui a réalisé un Fast and Furious. Ah ouais? Ah ouais. Putain, alors je ne connais pas les réels. Non, c'est pas Le Comte, c'est pas. Non. Philippe Bielan, c'est pas. Jean-Marie Poiret, c'est. Non. Mais cela dit, que des réalisateurs j'aurais aimé voir faire un Fast and Furious. Non, oui, mais là, je l'ai pas dirigé. Oui, enfin, il était enfant. Voilà. C'est le fils de François Le Terrier. C'est Louis Le Terrier. Ah, Louis Le Terrier, on a parlé. Apparaît dans Scoot Toujours. Ouais. Et pour la petite histoire, il a failli pas y être parce que dans la première séquence, pareil, je faisais sauter du. d'un bus à plateforme et il s'est pété la gueule, il s'est cassé l'épaule. Il a fait tout le film avec le bras en écharpe parce qu'il était trop triste de ne pas vouloir faire le film. Mais... Voilà, donc mais c'est vrai maintenant, après les deux derniers Fast and Furious, c'est lui. C'est un peu une cascade de Fast and Furious déjà. C'est ces deux films où il en a fait d'autres, Louis Le Alors, il a fait le prochain et le dernier Fast and Furious, mais non, il a fait un Hulk, il a fait le Choc des Titans, il a fait le Transporteur. Carrière de Barjo. Il a fait Lupin et tout. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai un deuxième petit jeu. Allez. Ça s'appelle Le Cri du Junio. Me regarde pas, je sais pas ce que c'est, Maxime. Oui, je vais vous faire écouter. Mais je le connais, Le Cri du Junio. Tu sais ce qu'on l'a mis dans le film. Ah ouais. Edouard, elle lui a demandé, Gérard était contre, et je l'ai assez fait et tout. Et en fait, il l'a poussé à y aller. Et on adore cette signature vocale qui est fabuleuse. Bah, bien sûr. Ah, bah, alors vous n'avez peut-être pas adoré le jeu. Mais il n'y a pas grand monde qui a ça quand même dans son jeu. Il n'y a pas grand monde. Je m'en fous, moi j'écoute pas votre podcast. Bah, de toute façon, c'est fini. On c'est ça, après, vous savez, vous êtes nos derniers invités. Hein. On va vous faire. Je voulais vous faire dans le dernier Floodcast quand même là. Floodcast. C'est le dernier. Flood. Flood. On dit Flood ou Flood, Flood. Oh, vous dites comme vous voulez. On dit Floyd. Mais nous, on dit Flood. Nous, on dit Flood. Donc, oui, alors, le jeu, c'était je voulais vous faire écouter des cris. J'irai au bout, je me suis fait chier à faire des exports. Il y a des films qui sont même plus dispo. Et il faut trouver dans quel film vient ce cri. Ok. Gérard est chaud comme de la braise. Il est décontenancé, Gérard. Il a qu'une envie, c'est de se casser. Gérard vient de me dire hors micro, merci pour ce jeu. Ok. Le en premier... t'étranglant par contre. Donc, bon, le premier est très facile évidemment. Attends, ça marche pas évidemment. C'est un cri ou c'est des répliques? C'est des cris. Ça, mais c'est avec des le Père Noël est une ordure. Non, mais il y a effectivement des petites répliques. Ah non, c'est papa, je fais de la papy, je fais de la résistance. Non, c'est les bronzés, le massage. Ah oui, les massagés. Attends, j'ai pas entendu la suite. C'est juste ça. Il te met que... Il me tire les poings. C'est le premier facile, j'avais prévenu. Mourir de rire cette scène. Le Gérard se cache le visage. Je me concentre. Ok, attention. Ah, vous savez comment on fait ça? On écoute Attends, le cri. On écoute ta raison. On écoute le cri et on répond à la fin. Je sais ce que j'ai fait. Mais vous êtes fous! Il y a plein d'enfants ici! Scoot toujours? Scoot toujours. Quand le bus explose. Alors non, c'est quand je mets le feu au. C'est quand le paysan sort avec le fusil et tire. Oui, c'est ça. Et du coup, il met le feu, il perce le. Ah oui, juste après, oui, effectivement. Il perce la réservoir, oui. Ouais. Il connaît encore ses films, hein, Flo. Voilà, peut-être pas commencer à le prendre quand même de haut non, comme ça. Parce que Adrien, qui a déjà commencé, ça commence à un peu me mettre mal à l'aise. Voilà, j'ai rien. Attends. Non, mais je me retrouve là-dedans, moi, j'ai rien fait. Oh. Contrairement, moi, j'oublie. Parfois, je revois, je le vois pas souvent, mais de temps en temps, je regarde un film. Et qu'est-ce qui se passe après? Je sais pas. Scoot toujours. Je crois que c'est le 6e ou 7e film le plus rediffusé à la télévision, quand même. Ouais, pas mal. 32 fois. Pas mal, quand même. C'est fou. Attention, le prochain. Je ne suis pas ton ami! Ça, je sais ça. Ah! Un de mes films préférés que j'ai le. Qui était mon plus gros bide à l'époque. Ah oui. Est-ce que vous l'avez? Non. Non? C'est Sans peur et sans reproche. Sans peur et sans reproche. Ah! Eh oui. Sans peur et reproche, c'est marrant parce que je l'ai rematé récemment. Mm-hmm. Et je sais qu'on vous a approché à une époque pour faire un Asterix. Il y a un petit côté quelque part Asterix parce qu'il y a des blagues anachroniques. Mm-hmm. Il y a beaucoup de seconds. Il y a Bruno Carrette, entre autres. Ça m'a fait. Mm-hmm. J'avais oublié qu'il était dans le film. Il y avait cette envie de faire une à la fois des anachronismes et après des vraies choses. Oui. Mais c'est difficile de faire de la comédie historique parce que les gens n'ont pas les mêmes références. La force des visiteurs, c'est qu'on compare notre époque et l'époque qu'on filme. Et là, par exemple, Bruno Carrette apporte un verre d'urine portugaise pour la princesse. Oui. C'était vrai, ça. Ah, c'était un vrai truc. C'est un vrai truc. Il paraît qu'il y avait plus de fluor dans l'urine portugaise. Et on faisait des bains de bouche. Exactement comme avec ça. J'en ai parlé, oui. Ouais. Et j'en ai parlé avec Braxo, tu sais. Ouais. Le Philippe Boxo, vous savez, le médecin légiste. Oui. Et il y a un moment, parce qu'on disait, est-ce qu'on peut faire des autopsies du Ce qui découpe des gens morts, hein, du vivant. Ouais, bon. Il découpe des gens morts, mais je dis, on peut. À l'époque, on découpait des gens vivants. C'était des condamnés à mort qu'on ouvrait et puis on voyait un peu tout ça et puis on les recousait et on les graciait parce qu'ils allaient mourir 24 heures après d'une infection. Vous êtes recousu, bonne journée. C'est mignon, allez, ciao. C'est normal qu'il y ait un truc qui sorte là au fil. Ouais, ouais. Bonne et journée, d'ailleurs celui qui ouvrait les cadavres, c'était Michel Blanc. Oui, exactement. Et c'était une vraie volonté de faire un film grand spectacle à l'époque. Il y avait un truc de, parce que c'est un gros film. On l'a fait avec pas trop de moyens, mais c'est vrai que on s'est fiché à le faire. Moi, j'aime bien le film. Hein. Ah ouais. Mais ça a été un refus absolu. Et maintenant, il fait les beaux jours de la TNT. Oui, il repasse beaucoup, ouais. Effectivement. Le prochain. Mais est complètement con, ce type. On se crève le cul à arrêter les terroristes, ils vous tirent dans la jambe. C'est facile. Mais t'as de la merde dans les yeux, espèce de connard. J'ai pris un hurlement, pas le plus connu du film où il y a des hurlements de Gérard. Mais tu sais que moi, ça me met dans des états d'euphorie. Ouais, ouais, bah, Gérard Jugnot, ça me met dans des états d'euphorie, vraiment. Et ça, non, je veux pas dire de conneries parce que je vais dire encore Papy fait de la résistance, ouais, mais pas du ça. Tout. C'est ça, c'est ça, ça, c'est ça, ah, c'est ça. Joli. Ah, mais si, quand Ramirez se fait tirer dessus, bien effectivement. Et oui, qui parle hyper mal aux Allemands, qui parle hyper mal au cas de la Gestapo. Il croit qu'il maîtrise le monde dans ce film, ce c'est personnage. Ça. C'est ça. Peut-être le, oui c'est ça, le collabo le plus sympathique du cinéma peut-être, ouais. Au final. Alors c'est d'ailleurs très inquiétant que je mets une croix gamée, les gens rient, c'est quand même très très. Ouais, c'est grave. vous étiez dans la pièce aussi du Papy Canard, ouais. Ouais, c'est ça. Je joue en alternance avec Philippe Bruno, mais et d'ailleurs c'est assez étonnant parce que Philippe, qui était un bon acteur, il arrivait, il disait allez, on se va, les piteux, tu vois. Et il y avait un froid dans la salle, et quand c'était moi, les gens riaient, donc c'est quand même très inquiétant. Oui, mais c'est aussi dans le livre que vous avez sorti du Splendide en décembre, où vous parlez du Père Noël aussi. Vous étiez en alternance, et que vous, ça faisait rire, et je crois que c'était Michel Blanc, je crois, qui faisait des fois en alternance, et que lui disait. Michel, il l'a fait une fois, ouais. Et il disait, moi, quand je le fais, ça marchait pas, quoi. C'est marrant. Mais vous le voyez, t'as fait des films, il y a des gens, ils ont une bonhomie, et c'est vrai que un texte joué par des gens différents ne relate pas la même chose par rapport au spectateur. Elle trouve pas. Non, c'est sûr, je suis d'accord. Non, vous me regardez comme si j'étais un mongol. Non, pas du tout. Mais attends, t'écoutais. Non, mais écoute. Et il est malade, ce mec. Non, mais tout le monde dit ça de moi, putain. Il y a aussi un crédit. Je me souviens d'avoir vu De Funès qui joue à Oscar. À l'époque, on prenait les places l'après-midi au théâtre Palais Royal. Donc, il y avait la queue, les gens prenaient les places. Et en prenant les places, ils riaient. Ouais. Ils disaient bonjour. Oui, on se conditionne à l'avance aussi. Et il rentrait sur scène après, il disait bonjour et les gens riaient. Ouais. Donc il y avait un truc. Mais il y a ça avec les gens, les grands comiques qu'on aime, tu vois. Et Gérard en fait partie. Dès qu'il parle, t'es dans le truc. En la vis comica. Ouais, c'est ça. Et vous préférez. Alors j'imagine que vous aimez un peu faire les deux, mais. Parce que vous avez fait des vraies ordures, donc outre le père du tueur dur, le père du et aussi des vrais grands gentils. Vous aimez bien alterner, ou est-ce que maintenant vous avez des rôles un peu préférés, ou parce que dans Il n'y a pas d'autre, vous êtes plutôt un sale type, un peu un raté, mais Ouais, mais j'ai rarement joué des vrais salauds. Ouais. J'ai joué des salauds qui n'avaient pas les moyens de leur méchanceté. Collabo quand même. un poil salaud. Non, mais à aucun moment non, on y croit. Vous mettez le curseur où vous voulez. Non, mais au début du film, il se fait humilier. Ouais, on comprend presque pourquoi il est un peu collabo. Avec le pot de peinture, là. Non, c'est des pauvres types, souvent. C'est pas des vrais. C'est pas Eichmann, c'est pas. Enfin, on n'est pas dans des Jean-Luc Reichmann. Mais tu parlais de Finesse. De Finesse disait ça. Il adorait jouer les rôles de méchants, mais qui n'ont pas les moyens, comme il dit, de leur méchanceté. C'était toujours des pauvres types, De Finesse aussi. C'était jamais des méchants affreux. Je jouais que des mecs qui étaient odieux avec les petits et serviles avec les grands. Oui, c'est ça. Comme c'est des salauds qui sont punis aussi souvent. Ça aussi. Ouais. Oui, Ramirez un petit peu, oui, effectivement. Oui, non, mais en plus, c'est jouissif parce que c'est ceux qu'on déteste dans la société, tu vois. Oui. T'as envie de les gagner, donc à jouer, c'est vraiment trop bien. Quoi. Et la fin du film du Papy Finalisation, la fausse émission télé, elle était aussi dans la pièce de théâtre. Ouais. Ah ouais, bah c'est dingue. Enfin, le débat, oui, mais il n'y avait pas le. Mais je crois qu'on l'a jamais joué sans rire. Ah ouais, ah ouais, bah non, mais j'imagine. Ouais, parce qu'on improvisait, on disait des conneries, c'était terrible. Vous jouiez avec, quand vous faisiez du théâtre, à piéger, enfin pas piéger, mais à justement à surprendre les autres en changeant un peu les trucs. Non, pas moi, mais c'est eux qui me faisaient beaucoup de blagues. Ah ouais, ouais. Michel Blanc et Thierry, c'était atroce. Parce que moi j'étais très sérieux malgré tout. Ouais. Moi j'étais celui qui voulait que ça marche, que ce soit bien, que ce soit propre. Et ils déconnaient tout le temps. Comme et vous avez un souvenir de trucs pour vous embêter qu'ils ont fait? Ouais, mille. Mais j'ai déjà raconté. Mais oui, non. Je me souviens, dans Ma tête est malade, je jouais à un agent immobilier. La pièce commençait à téléphone, je sortais des toilettes. Donc bruit de chasse d'hôtes. Et je m'asseyais à table, enfin derrière mon bureau, je répondais au téléphone. Et là. Ils avaient donc j'arrive, je m'assois et ils avaient mis un coussin péteur. Ils s'étaient fait chier parce que à l'époque il n'y avait pas la fart machine. Donc ils avaient creusé. Il y avait deux bottins pour que je sois plus haut. Ils avaient évidé les deux bottins. Ils avaient mis 3 coussins péteurs. Et la salle faisait 25 mètres carrés. Donc les gens, évidemment, ont pensé que c'était moi qui. Et je pouvais pas sortir le truc en disant ils m'ont mis un. Oui, non, ça aurait tout gâché. Mais il faut scotché, quoi. Ouais. Et après, dessous, je regarde, dessous, il y avait une fausse mère de chien. Et avec en plus. Du papier hygiénique et du marron de fond de teint. Ils étaient allés au bout. Ah, l'implication folle. Très bien imité. 2 heures de prépa. C'est plus que les mecs avec le vélo tout à l'heure. Quoi. Et après, je devais chanter. C'était une pièce où on chantait. C'était une erreur. Et ils me passaient un micro. Et là, le micro était très long, très, très phallique. Et ils avaient scotché une paire de couilles énorme. Et mais scotché avec 15 tours. C'était impossible de l'enlever. Donc quand je chantais. Ça bougeait et je disais aux gens, enfin je le montrais, ben, c'était impossible quoi, donc j'essayais de les retirer, impossible. Et plus je chantais, plus ça bougeait, c'était ignoble. Parce qu'il y a des gros poils et tout, non, c'était vraiment. C'était fait chier à faire ça. La chanson s'appelait Je suis un loup parmi les loups. Ah, quel bonheur. Nouveau cri de Gérard Junior. Merde! Pardon. Je l'ai. Ah ouais? Vas-y. Les bronzés fondus ski, non? Oh oui, bien sûr. Mais c'est pas moi, merde! Mais lâche-moi, c'est pas moi, merde! Désolé. C'est bon, quoi. Ça, c'est le fil dentaire dans le. C'est dans la, ah dans oui. La fondue. Oui, c'est le fil dentaire. Vous savez ce qui me tue le plus dans les bronzés fondus ski? C'est. Il veut pas lâcher sa gourmette! Putain, mais t'es déjà chez gourmette! Il est ouais, voilà. Pardon, si on commence à faire les. Non, mais c'est. Pardon, désolé. Mais tu sais que je rêverais de faire des films, de jouer dans des films où après, 50 ans après, des gens de notre génération. Sûr, ouais. Tu imagines la force de ce truc-là? Bien sûr. À qui ça arrive, ça, en France, à part à cette équipe-là? Bah non, mais. Non, mais c'est vrai, sans déconner. Fais le tour un peu de ce qu'on aime. À qui connaît des films par cœur comme ça sur 4 générations? Ouais, c'est sûr. Non, mais il y a toujours un côté un peu gênant de. Mais non, faire la pique et de non, non, mais je m'étais promis de pas le faire là. Bon, tu m'as entraîné là-dedans. Non, mais c'est. Pardon. Je trouve ça fabuleux, moi. Non, mais je préfère ça que le contraire. Oui, oui, bien sûr. Et bah justement, c'est rigolo, tout à l'heure on parlait de films où c'est pas les acteurs qui font et ça rend le film culte. Vous, il y avait carrément toute une sous-intrigue des bronzés fondus ski qui est pas dans le film. J'ai lu ça dans votre livre sur. Il y avait des histoires de cannibalisme, j'ai lu à la base dans les bronzés fondus ski. Non, c'était autre chose. C'était une première version qu'on avait. Parce que c'est Rosservoir, le producteur, qui nous avait commandé un scénario. Et ça nous gavait de faire un deuxième. On n'avait pas envie de faire une suite aux bronzés. Donc on avait écrit une histoire de. Ça s'appelait. On a mangé l'hôtesse de l'air, ouais. Voilà. Et c'était, il y avait un accident d'avion et il se bouffait. Il a été très bon titre. Le Père Nature Dur avait un autre titre aussi à une époque, j'avais lu. Ouais, c'est Josiane qui avait trouvé. Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul, mais. Ça reste work in progress. Oui, voilà, c'est ça. C'est une débauche. C'est ça. Mais il y avait aussi une histoire de scène coupée dans les bronzés fondus ski, je crois, où c'est vous qui étiez dans la piscine, vous voyez votre cul et tout. Oui, j'ai vu regarder un reportage il n'y a pas longtemps. Non, je crois, mais je me souvenais plus de ça. En fait, c'était. Il y avait un hôtel à Val d'Isère où la piscine, quand tu te baignais dehors, il y avait des boules parce qu'on se baignait dans dehors. Il faisait très froid, mais l'eau était très chaude. Et en fait, il y avait une salle en bas de sauna où il y avait un miroir, enfin pas un miroir, une vitre. On voyait l'intérieur de la piscine. Donc, si tu veux, nous, on plongeait à poil dans la piscine et on. Et d'un seul coup, il y avait un plan sur les mecs qui voyaient en se marrant et on comprenait que c'est parce qu'ils avaient tout vu. Mais ils n'arrivaient pas à rire, les figurants. Donc ça prend sa place dans l'histoire du cinéma. Les deux derniers cris que j'ai en magasin. Arrêtez-le! On peut écouter. Bien sûr, on peut. C'est Pino, non? Non, c'est pas Pino. C'est fini. Fallait pas? Non, c'est pas Fallait pas. Vas-y. Il y en avait des très beaux dans Fallait. Hey, c'est lui! Arrêtez-le! Il y a du vent, c'est le blizzard? Il y a une foule. C'est pas un match de boxe? C'est un match de boxe. C'est un vrai indice. Un match de boxe, putain. Une scène de boxe. Ah, de boxe ou de catch? C'est de la boxe, moi, que j'ai noté. Parce qu'il y avait un film avec Aldo Machione qui s'appelait Pourquoi pas nous? Alors, c'est pas Pourquoi pas nous. Ah, de la boxe. C'est un film où il y a beaucoup de choses. Ah, c'est Les Rois du Gag. Les Rois du Gag de Claude Zidi avec vous-même et Thierry Lhermitte. film que, qui est pas facile à trouver, alors que moi pareil, j'ai des souvenirs de le mater en boucle quand j'étais petit. Il est pas souvent celui-là. Ah ouais, c'est fou tous ces films qu'on trouve plus nulle part. Ah bah alors j'ai galéré à trouver, c'est Trafic d'influence je crois, ouais, de Danny Foggia. Il y a pas de DVD, il y a aucune plateforme de streaming et il est même pas téléchargeable illégalement. C'est ouais, vraiment, je ne l'ai trouvé nulle part. On s'en fout. Non mais c'est dingue parce que je pense que c'est des problèmes de droit ou de distributeur et il y a des trucs qui sont passés ou oubliés. Un film comme Fallait pas qui passe pas beaucoup alors que j'aimais bien ce film. Il est super avec les sectes avec François Morel entre autres. Ouais ouais. Et mais cela dit, je crois que c'est, enfin je sais plus quel est le distributeur, vous en venez peut-être mieux que moi, mais ils ressortent beaucoup les comédies en ce moment. Celui-là, je sais que j'ai signé un truc comme quoi il va repasser. Ouais, c'est ça. Il y en a plusieurs. On avait reçu que les plateformes reprennent beaucoup les anciens catalogues. C'est Ciné Plus, tout ouais, ça c'est pas mal. Oui, là, c'est ça. Je viens de voir plein de films que j'adorais dans les années 90-2000 qui sont sur Netflix récents depuis une ou deux semaines qui sont en nouveau dépôt. Vous en battez les couilles de ce que je raconte. Mais non, pas du tout. Ah, mais lui, il est en sécurité avec nous. Dès qu'il lui prend la parole, faut qu'on l'applaudisse. La phrase, je suis habitué. Moi, c'est 6000 personnes jour. C'est 6000 de l'Apple Watch là. Non mais ça servait à rien ce que j'ai dit, mais j'étais touché de voir des films que j'ai adoré. Non, non mais c'est génial, c'est un vrai sont travail. Qui sont remis sur des plateformes. Moi j'avais ça avec on connaît la chanson qui était disponible nulle part et qui est sur MyCanal depuis peu. Mais c'est un vrai truc de moi j'ai eu la chance d'avoir une maison incroyable où j'achète beaucoup de DVD. Moi j'achète beaucoup de DVD et c'est important parce qu'en vrai il y a un vrai truc où des fois les films disparaissent purement et simplement. Moi je suis un fou des vieux films en noir et blanc qui sont souvent des nanars. Il y a une collection comme ça qui s'appelle je sais pas mais ça s'appelle et c'est en fait t'as le film et toute la séance complète, c'est-à-dire qu'il y a les actualités de l'époque, oh, pas mal, les pubs de l'époque, okay, les bandes annonces de l'époque, et t'as le film, ça s'appelle je sais pas quoi, ciné machin, et c'est formidable, c'est avec des petits bouquins qui expliquent, avec les affiches et tout, et ça c'est l'avenir du DVD parce qu'à part ça tout le monde s'en fout. Bah c'est ça. Après il y a aussi il y a un travail quand même de ils appellent ça le cinéma de patrimoine. Ils essaient de quand même, il y a des magazines aussi, je sais qu'il y a Schnock par exemple qui fait des choses aussi où ils interviewent des gens qui ont fait les films là, récemment ils en ont sorti un sur mes meilleurs amis ou mes meilleurs copains. Excusez-moi. Et c'est trop cool parce que du coup t'as des interviews, des trucs comme ça. Et il y avait Ina Madeleine aussi qui est une super plateforme où tu vois des vieilles interviews depuis la création de la télévision. C'est vachement intéressant. Moi j'ai Gaumont Classique, c'est pas mal aussi. Oui, c'est super. Il y a beaucoup de classiques là-bas, ouais. Beaucoup de films occultes. Films Gaumont de tout noir et blanc du premier des muets jusqu'à Ah, c'est vachement bien. Il faut chercher. Au début de la couleur, et ça coûte 5 balles par mois, mais c'est pas mal. Ouais, t'as accès à tout. Il y a les films, des grands films, il y a les films Sacha Guitry, il y a les films de Clouseau, il y a les grands films. Moi, je veux faire juste une pause, je suis honoré d'être là. Mais on est trop content de te recevoir. Avec Gérard en plus, c'était parce qu'on a failli le faire une fois où je vous ai fait faux bond parce que je pouvais pas venir. C'est vrai. Tu m'avais proposé. J'espère que je vous ai pas mis dans l'embarras d'ailleurs. On a trouvé, on s'est démerdé. C'est pour ça qu'on arrête. On s'est démerdé. Non, mais ça. Je trouve un autre ingrat. Tiens, excusez-moi. Ah, je me casse. Oh, ça va. Bon, bah écoutez, il y a pas de réseau. Maxime aussi est hors de lui. Il est fou de rage, il est parti. Ah, voilà. Ça, c'était un direct live. Il y a pas de réseau. C'est au cinéma le 6 août. Merci les gars. À bientôt. Ciao. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.